Bienvenue dans l'émission Conelambi, comme tous les premiers dimanches du mois, spécial musique jeudi. On a démarré l'émission avec un titre de Cacophonie Beatmeka, extrait du projet en libre téléchargement, album remix de Mimi Nelzi, âme nouvelle. C'était le titre A Different Way. Je précise aussi que Cacophonie Beatmeka va sortir un album cette semaine même, mercredi, à checker sur son Bandcamp, Cacophonie avec 2K à la place des C. Et juste après, l'instru qu'on vient d'entendre qui nous a emmené du côté d'Addis Abeba, c'est un beat de Kemet, extrait du projet instrumental Ankh Ujja Seneb. Et on va poursuivre tout de suite avec un extrait de l'album de Renegade Neg Marco Polo avec Boogie Flaha à la prod et au beat. En cabao tout. Yeah, yeah. Hey yo, miss moi, t'as assez beau. Toutes les en cabao tout. Gyal, ou j'a connaît le R. Yeah. Yeah. Yeah. Pou ti se pi mwen, ou te le fè ti mwen chimè. Pou ti se mwen ou chwezi, pou sa tche bon palan mè. Ga tout sa nom kini, tout sa ki javò li bien. Fok se mwen ou te chwezi, yeah. Gyal di mwen pou ti se mwen. Montre mwen sani, tout zami sa vò san yè. Yeah. Mèm lè se tan penuri ou pa ka jamè la tche mwen. Ou ka ba mwen plezi, an pa la sfa ou plere ba mwen. Mèm si de lè an merite fizi, mè jodi an ka bo tout tche mwen. Bon mani attention, bon mani affection. Bon, on s'en fait pression, à sous ça qui les met des tensions. Dja Dja va nous protection, ish nous c'est bénédiction. L'amour nous c'est pas pièce fiction, nous qu'à Bibli et puis passion. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est tout ça qui fait moi l'amour. Oh mama, chérie, où là bas moi, moi la pour moi. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est chef là les barres moi sans laisser faire money dès l'obligé mon poignet nous ni timoun pour nous oui les belles la mec en caillan en rentrer gris puis tu me l'aide ou même qu'arrive fait moi sourire ou ni tout ça qu'il faut pour faire chez moi content si ça sous même ou ni défaut mon poko ouais juste à présent j'ai payé un petit mot pour balov nous en ballon ou poko trop trapé cadeau je dis en cabot anti présent bon money attention bon money affection. Bon, on ça fait pression, à sous ça qui les met détention. Jaja va nous protection, riche nous c'est bénédiction. L'homme ou nous c'est pas pièce fiction, nous qu'à vivre lié et puis passion. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est tout ça qui fait moi l'amour. Oh mama, chérie, où la bas moi, moi là pour vous doudou. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est tout ça qui fait moi l'amour. Oh mama, chérie, où la bas moi, moi là pour vous. Combien moun te comprend, l'offre nous pète que tchebe. Chic ni en l'eau qui prétend, qui le est ou que la tche. En l'ayant nous pas fin, nous continuons à exister. Même si c'est nous yon le fin, nous toujours qu'à résister. Qui yon celle qui yon en bon, c'est à des nous qualités. Ils chattent pour faire yon temps, qui sait pas nous qu'est plié. Yon tout qu'est sa paille à bon, parce que seulement nous qu'à loin. Toute jalousie qu'est fait son, l'offre nous qu'est toujours brillé. Bon money attention, bon money affection. Bon, on s'en fait pression, à sous ça qui les met détention. Jaja va nous protection, riche nous c'est bénédiction. Le bout nous c'est pas pièce fiction, nous qu'à Bible et puis passion. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est tout ça qui fait moi l'amour. Oh mama, chérie, où la bas moi, moi là pour vous doudou. Oh mama, chérie, où est puis moi c'est qui forme l'amour. Oh mama, oh mama. It's the genius. Hello. David Wade, I'm a need for you. Wade. But then my friend Osmo can't come on the mansion. Come then, no. I'm on my way. Déjà connaître ça avant vous. Fais-moi découvrir l'inédit à l'amour. Après on peut pas passer loin de vous. Pour notre monde, que ça pour moi et qu'on vous. Baby, ou qu'à rendre moi fou. A pas pour croiser les autres, c'est qu'on sous tes premiers. Ou qu'à faire ma montée, c'est moi qu'à agripper. Ou pas qu'à arrêter tant, c'est moi pour vivre. Là où t'es bien mené, moi, septième, c'est pas bien loin. Elle va pour vivre là, nous, ça prend du fait qu'on chime. Les Irak sont tués, et puis de décupler. Ou envie qu'à prendre moins des layers qui passent moins qu'à son cher. Ça, oh, she's been in the past. Sex, love, and culture. Pan in the mid, pan in the pan in tabu. Baby, bomb with peace. My puppies, my poor baby. Passion, I get to. She's dancing, wasn't a bad thing. But they should connect her avant. Ou connaître comme moi, tout point sensible en moi. Qu'a fait me réagir sans lever le petit toit. Y'en qui bon moi y'en voit, bon moi ça au soleil. Qu'a bon moi y'en version différente à chaque fois. Les lèvres, soleil couché. Nous qui recommencer juste en demain arrivé. Oh oh oh oh oh yeah. Pas déjà connaître ça avant. Quand on découvre les dédits à l'amour. A présent il va passer mon rêve. On a tombé que ça va moi et qu'on vous. Pas déjà connaître ça avant. À l'instant, c'était Rachel Allison qui est passée dernièrement en première partie d'Éric Pédurant au New Morning. Là, c'est un extrait de sa mixtape La Rêveuse que vous pouvez télécharger gratuitement. On poursuit toujours dans Musique Jeudi, Passe Musique Nous Vivons, Payen qui Nostalgie, un petit panorama de tout ce qu'on entend en provenance des Antilles, principalement musique créole, mais musique d'aujourd'hui. On poursuit avec encore une nouvelle sortie, l'album de Fola à visage découvert avec le titre Pas Confondre. Yo, pas confondre. T'as la sans remix, F-O-L-A. Léo Saf qui mounouye. Moun pe pale si yo men vou. Pou kon mache tèt an lè. Yo, ni de bitèn ki kasan men yon palot. Si yo konfon yon e pilot, sa ke kon kalot. Sa ke destabilize yo, fè yo tombe ou ke leve tout. Si ka man e men man kaye. Yo, pa konfon sa ou ni an men ou e pi valè ou. Pa konfon kontan bank ou e pi valè ou. Lèj la ke ou ka pote e pi important sa. An si a moun ke ou eme se la ou ke pe vwe sa. Pa konfon sa ou vle fè, e sa ou ka fè alè la. Mache yè pe vision kon teleskop. Douvan e bon mouman, ke an men kon kameskop. La nou bien, men demen fon la pe toune. On pil fos, pa sa ki pet de moun yo te eme. Jean la, on ka fe l'ajan, pe fe on fe l'ajan. Si hip hop se basket, on fin pete dunk la. Gade jean ka fe sa bien, yon pa bize kwen kla. Kritike pou konstrui, epi mechanste. Koule a pou an moun e sa ki ya nan ke ay. Si ou ka respecte maman, fon respecte tout madame. Pa konfon l'amou an la rive, l'amou an fun. Ni de bitè ki kasan men, yon palot. Si ou konfon yon e pilot, sa ke kon kalot. Sa ke destabilize ou, fe ou tombe ou ke leve. Si ka mande men man kaye rive mwen. Ni de bitè ki kasan men yon palot. Si ou konfon yon e pilot, sa ke kon kalot. Sa ke destabilize ou, fè ou tombe ou ke leve tout. Si ka mande men man kaye rive mwen. Pa konfon an vi ki reisi, e reisi ya nan la vi. An moun ki reisi, e an moun ki popile. La jan ke ou tini, e la jan ke ou pani pas. Depense yon pe mare ou kon chen. Pa konfon fè mizik, e fè pawol ki konsyen. E an artist ki sab ke bonde ka vwe toutan. Di ke ou se yon nom e fè aji kon yon. Di ke ou se yon fan me fè aji kon yon. Pa konfon di oui le ou pe pa. En fè ti yon moun non pa sou pe pa. En fou e la, an pa bizè met kagoul pou fè sou. An ka travay gre de bien, kon lè an ka fè son. Ti vi yon men se te jaden, jè zi te ke soley. L'amou te ke glo, pou man re te ke te ho. An prefere nom politik le yon pragmatik. Pa sou pe pa kon te zè, an di nan fè sa poule. Ni de bitè ki kasan men yon palot. Si ou konfon yon e pilot, sa ke kon kalot. Sa ke destabilize ou, fè ou tombe ou ke leve tout. Ka mande men man kaye rive mwen. Ni de bitè ki kasan men yon palot. Si ou konfon yon e pilot, sa ke kon kalot. Sa ke destabilize ou, fè ou tombe ou ke leve tout. Ka mande men man kaye rive mwen. Yeah, yeah, pa konfon, ta la sorti, Matinina. An la gribe a tout fwe se kamache. E ve si ouve, tete an le bas yo saf ki moun yoye. Laissez moun pale, ma chichimea, douet. Nouvel album de Fola à visage découvert. On précise également que le même monsieur a sorti un livre sous le soleil de la dignité. Allez lire ça également. On poursuit maintenant avec une autre artiste, un autre style, Aïssès Majumba, sur le titre Manzel. On a démarré en Guadeloupe À l'instant, on était en Martinique. On part en Guyane avec Giant Eye King, le titre Bubbling. Yeah, this is an exclusive from DJ Blue. Tabakan, Shega, Tabakan. Salah pour tout mon gachi et mon nil. Pas touché pas, je vous en fatigue. Toutes mes sexy ladies ka wine up. Ah mon name qui est tout ka call up. Man ay tout but mo pour mo wine up. Mo savé on le mo bike il ride up. Ye like a bubble in a tall. Ye le run sell moon a de king a dance hall. To pack a wiki mo put plenty alcohol. Mo déjà dit tout but t'es en ma control. Ah what do you wine up on you it. Fais nous wet oh wine on le tout it. Nous j'en savais tout ka control tout bet. So baby girl pas faire rentrer vin wine on le la bet. Casse physique à toi j'en savais mo ka prend my tête. Ah what do you mo ka son cigarette. Maman celle ka boine hein. Maman celle mo vin femme. Man a root soldier. Pas pour faire that. This another big E, this another big song. Whoa, yeah, the girl them song. My make you a brand new step. My billion French guy, now me call it them from a distance. From a distance, from a distance. The nice girl, them me see them from a distance. Them can't stop way cause I the guy and his dance. Them better see we from a long distance. Toot my sexy ladies ka wine up. Ah, my name key toot ka call up. Man ain't toot but mo wine up. Mo savé on le mo bike in a ride up. Ye like a bubble in a tall. Ye le run sell moon a de king a dance hall. To pack a wiki mo put plenty alcohol. Mo déjà dit tout bete yam ma control. Ah, what do you? Ki mo yé zot fret, zot pense y dead. Commencez y pas paré pour dead. Certain moon ka mandé a ki sa mo remède. Ba mo gal pou fuck mo le yoli a dong on le mo bet. La musique est forme à mon domaine. Mo ka fait plus de gars qui commet. Gal is from bed, man a road c'est ça. Mo le why you feel unsell bet? But why you bubbling? Toot my sexy ladies ka wine up. I'm on MK toot ka call up. Man ain't toot but mo wine up. Mo savé on le mo bike in a ride up. Ye like a bubbling a tall. Ye le unsell moon a de king a dance hall. To pack a wiki mo put plenty alcohol. Mo déjà dit tout bete on my control. How do you? At the part of the show when me got she in me name. Cafe wine up them popo zoda. You got Il est pour guimeter les pendules à l'heure. En cas de son si yo. Blood clap. Baissez volume là, tu pas les faire malaise. Et si ou pas content, foutez tu vois dans falaise. Mante trop balèze, moi qu'à dead yo à l'aise. Dites comme poussi à l'ouest et puis poussi à l'est. Well, yo fais pas test, tell them yo fais pas test. A chaque ligue, ça qu'à mettre yo HS. A tigre de grande, mais actuellement c'est le far west. Tant pis si yo pas les tangibles. Mais yo pas ni level, yo trop minable. Ma camache et pizza, donc mon pape est devil. Yo qu'à faire me guico. Et qu'elle est jekyll. Crime mais Hercule. Quand yo c'est Hercule. Un seul spécialiste en bogle. Ça qui pas connaître. Mais allez si Google. Souvent ça qu'a critiqué. N'y a gros tête vite qu'on bagle. En cas de yo ferme ta gueule. Mais ces volumes là. Si yo pas les ferme à l'aise. Et si yo pas content. Foutez tu vois dans falaise. Mante trop balèze. Mante à tête yo à l'aise. Dites qu'on bousille à l'ouest. Et puis bousille à l'est. Well, yo fais pas test. Tell them yo fais pas test. A chaque lyrique. Ça qu'a mette yo HS. A tigre de grande. Mais actuellement c'est le far west. Tant pis si yo pas les tangibles. Ça t'est ni pour river, obligé de me biffer. En fond la qu'a sifflé, pendant que femme ni qu'a kiffé. Mike si t'es pas piffé, du coup il vini m'alélivé. Jusqu'à racher chivé, jamais t'es quand il qu'a sniffé. Allez, moi il qu'a salivé, bâti maintenant ça y fait. Allez, yo m'active, yo t'es ni pour démotiver. Pas ni bagaille si bolon, pas ni griffé, pas ni giflé. M'en sans DJ, qualifié, ludique sans tête, c'est ça qui vrai. M'en ça tue un public, m'en ça tue un privé. Faut y excuser avant me laisser esquiver. Yo qu'a dénigré, yo dit qu'il m'a été dérivé. Pour la peine en calivré, on sort pour yo les si veux. Ou si baisse les volumes là. Si yo pas les faire malaise. Et si yo pas content. Foutez tu vois dans falaise. Mante trop balèze. Mante à dead yo à l'aise. Dites comme poussi à l'ouest. Et puis poussi à l'est. Well, yo fais pas test. Tell them yo fais pas test. A chaque lyrique. Ça qu'a mette yo HS. A tigre de grande. Mais actuellement c'est le far west. Tant pis si yo pas les tangibles. Du hip hop créole instrumental au dancehall. Pour conclure cette sélection spéciale Musique Jeudi avec Mighty Killa sur le titre Jabless. On rappelle que le mois dernier, nous avions diffusé une sélection entièrement consacrée à la musique antillaise à message pour se remémorer ce mouvement de janvier-février 2009 qui a secoué la Guadeloupe, la Martinique jusqu'à la Réunion. un mouvement contre la vie chère, mais aussi pour dénoncer un certain nombre d'inégalités qui perdurent depuis des décennies et pour lesquelles la République n'a, semble-t-il, toujours pas trouvé de solution. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars, veille de la date du 4e anniversaire de la signature du protocole d'accord qui a mis fin aux 44 jours de grève qui ont marqué la Guadeloupe en 2009. À cette occasion spéciale, nous recevons aujourd'hui l'un des slameurs créolophones les plus illustres, Timalo, dont le dernier projet Demoon a justement pour toile de fond ces événements de 2009. Mais que se passe-t-il? À Paris, la police en fout qu'on blindé, pas avoué bout à l'UGTG. Mémoire 67, café hésité. Toute la Guadeloupe ou Sabois, on paquet de monde dans la rue. Consommation arrêtée, voiture pas roulée, moun vini énervé. Qui moun nous a crié? Gadget au stylo, paraît à signer pour 400 billets, fait jeunesse en nous voyager. Ah ah, mais qu'a y passé? Harry Potter, dès qu'il s'en préfet, qu'a essayé faire sorcier. Mais ni Tacita, ni Lolia, ni Domoda, pas appris à danser. Pi mauvais, toute mascarade là à la télé. Record d'audience pour mon sorcier bien-aimé. Qui moun nous a crié? Jégo! Pour plus vite qu'il va, débarquer ici dedans. Mais il a oublié sa brosse à dents. Sa dent. Malgré son salaire à ministre, l'a acheté brosse à dents par été assez pour dentifrice. L'a réalisé, si t'as des dents et qu'il est gâté, il dit ah, faut faire tout mon signe. Jamais bon Dieu, sans quoi pas moi, il aura crié. Bonjour Timalo, aujourd'hui dans l'émission Conan Ambi, Musique Jeudi. Comment ça va? Ça va, un peu la voix prise à cause du froid, mais ça va. C'est normal. Donc Timalo, c'est un artiste que je crois avoir vu la première fois au Café de Paris, à Paris, c'était il y a quelques années pour le premier projet. Je pense que c'était l'époque de Powell à l'homme volume. Ouais. Et également que j'avais vu dans un slam en Guadeloupe. Dans une boîte dont je ne me souviens plus du nom. Ouais. Mais bon, en tout cas, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Alors, ben, Timalo, c'est le nom de scène de Thierry Malo. J'ai commencé à faire des textes en créole, on va dire, au Slam Session qui est organisé par Slam Blague en Guadeloupe en 2006 par Josué Léglier et Laurence Macchiaba, que je salue d'ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai commencé, et en particulier la poésie en créole. Et depuis... J'ai bossé sur 3 projets, des projets qui sont toujours un peu, on va dire, multiformes. Le premier, c'est le projet Parole à l'homme volume, donc où il y a un bouquin, un recueil de 25 textes illustrés par Luc Gamma. Le second, avec Parole Fonquet, CD, et le show que tu as vu, Timalo, le show, qui était au moins une fois donc, au Café de Paris, en région parisienne, puisqu'à l'époque, j'étais en Guadeloupe. Et puis à la suite, il y a eu 12 textes dans l'avion, et maintenant Demoon, dont on vient d'entendre un extrait. D'accord, donc... Il y a eu, on va dire, une espèce de d'éclosion de la scène slam en Guadeloupe, qui a à peu près en même temps en Martinique. Est-ce que c'est concours de circonstances que tu te sois lancé à cette période-là, ou tu faisais déjà quelque chose avant le slam? Oui, en fait, moi j'avais déjà commencé à écrire depuis une dizaine d'années déjà, en fait. J'écrivais des nouvelles déjà, mais j'écrivais surtout en français. Et j'étais en Guadeloupe à l'époque, et j'avais des choses sur le cœur. Et donc le slam est arrivé comme ça. Je me suis dit, bah, c'est cool, je vais profiter de l'occasion pour balancer ce que j'avais sur mon estomac, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que moi-même, je me suis découvert slammer, puisque au départ, j'arrivais juste avec un truc à dire, quoi. Donc aujourd'hui, on va dire que la mode, le temps fort de la mode du slam est peut-être un peu passé. Aujourd'hui, est-ce que tu revendiques toujours ce slam? Est-ce qu'aujourd'hui, comme on a écouté un extrait de l'album, donc tu es à la fois musicien, auteur, slammer, quelle casquette tu en gardes, et quelle est ta position vis-à-vis de ce mouvement, le slam? Moi, j'ai pas, je porte toujours assez fièrement le terme de slammer. Maintenant... je m'excuse. Maintenant, je me revendique d'abord comme un auteur et un performeur, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et est-ce qu'on peut dire que Parmi les... Je crois que c'est le premier projet de slam créole. Il me semble que c'était le tien, si je ne dis pas de bêtises. D'où est-ce que tu as trouvé cette motivation pour te lancer dans le slam? Parce que déjà, je pense que, on va dire, tout ce qui est musique alternative aux Antilles, c'est pas évident d'aboutir dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller à la fois au bout de l'album ou du livre? Voilà, c'est difficile pour moi, à cause de l'atout. Moi, ce que je voulais faire, c'était sortir du milieu fermé du slam, en fait. C'était donc d'amener... cette poésie créole ailleurs. Et donc, je voulais mettre ça sous des formes qui soient préhensibles par des gens qui ne venaient pas en slam session. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Et puis, en même temps, donc, à faire le spectacle, déjà, le Timalo Show. Et c'est la rencontre avec Mbitaro, qui est poète, qui m'a dit, mais écoute, c'est intéressant ce que tu fais. Et si vraiment tu as envie de poursuivre, ça serait bien que tu fasses des bouquins. Et je lui disais que ouais, enfin moi j'aurais envie de faire un album. Il m'a dit l'album c'est bien, mais les bouquins ça a l'avantage de pouvoir rester pour les générations d'après et pouvoir être étudié à l'école quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit bon ben on va y aller. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont soutenu là-dedans. Donc déjà ceux qui organisaient le slam, donc comme Laurence Macchiaba avec par qui j'ai rencontré Charlie Chauvineau qui a composé l'essentiel des titres du premier album. Comme LM Star J, qui m'a beaucoup aidé à préparer mon premier spectacle et qui est devenu un ami depuis. Donc, on collabore, on travaille vraiment en synergie. Et c'est comme ça quoi, que ça s'est fait. On va écouter un extrait du premier album Paul Fonquet. Ce sera le titre « Ivoirien ». Imaginez-vous, pays en 60 morceaux. Vous pas parler bas voisin, voisin pas parler même langue qui ou, voisin pas manger même manger qui ou, voisin pas kailan mes même jou qui ou. Et pourtant, vous et voisin en harmonie, depuis nan ni nan nan juste président la vie changé. Imaginez-vous. Gouvernement là en deux morceaux. Ou pas d'accord avec voisin. Voisin pas parler même langue qui ou. Voisin pas kailan mes même jou qui ou. Voisin pas prier même bon Dieu qui ou. Et forcément. Vous et voisin prend babier. Goumé, coupé, haché, juste en. L'ONU vient séparer. Imaginez-vous. Peuple là en petit morceau. Ou aille chercher voisin. Voisin qui a morfait en même temps qu'il. Voisin qui a souffert en même temps qu'il. Voisin qui a prend fait en même temps qu'il. Et tranquillement. Vous et voisin manifester. Et puis femme, cousin, nivé. Marcher sans gaouler juste en. L'armée français tiré. Imaginez-vous. Vous-même, j'apprends un bel saut. Pas blanc mes voisins, voisins qui a tout fait, même Jean Kiou, voisins asphyxiés, même Jean Kiou, voisins intoxiqués, même Jean Kiou, mais seulement. Vous et voisins pas demandé toute saleté, les wops voyez pour polier Abidjan. Et c'est Chirac qui désolé. Guadeloupe et Côte d'Ivoire, pas voisins. Mais foutre-moi fout moins yon ivoirien kassan. Ivoirien, extrait du premier album de Timalo qui est avec nous aujourd'hui, Paul Fonke. Premier album de Slam Créole qui a directement été récompensé par le prix SACEM Guadeloupe du meilleur auteur en 2010. Alors Timalo, est-ce que tu peux nous dire un peu comment cet album a été perçu? Quel retour tu as reçu? Qu'est-ce que tu as ressenti du public? Alors le truc c'est que l'album est sorti fin 2008 et ensuite il y a eu le mouvement en fait. Donc il y a à la fois un attachement particulier des gens à cet album, parce qu'en fait c'était aussi un peu la bande-son du mouvement. Et en même temps, au niveau des ventes, c'était un peu plus compliqué, puisque tout le monde était en mouvement, quoi. Et donc, donc les gens ont beaucoup retenu Timal Lavi, qui tournait en radio pas mal à l'époque. Et puis les gens m'ont félicité pour la qualité de la langue, quoi, sur cet album, quoi. Donc c'est à la fois... un album qui a été bien accueilli, qui a aussi permis bah, justement de me présenter un peu au-delà et d'être découvert aussi dans d'autres choses. Et à la fois un album, on va dire, qui voilà, pour des raisons qui ne sont pas liées à l'album lui-même, a, on va dire, un retour commercial mitigé, mais un retour affectif très important. D'accord, donc ben on peut, comme c'est précisé dès l'intro de cet album par Paul Fonke, tu slams en créole. Ouais. À l'époque où tu as fait cet album-là, tu étais en Guadeloupe. Maintenant, aujourd'hui que tu es en France, est-ce que tu as un contact quelconque avec la scène slam en France? Est-ce que tu as essayé de la pénétrer de... Alors, si oui, le slam en créole en France, ça donne quoi? Alors, j'avais déjà eu des premiers contacts parce que du coup, au moment, on va dire, à l'apogée du slam en Guadeloupe, j'avais profité, j'étais venu ici et puis j'avais été à la slam session de... Aslam Aleikoum, la slam session de Encore Malade, et à d'autres choses organisées par Dame Gabrielle notamment, donc qui sont des figures quand même assez importantes du slam en France. Et c'est vrai qu'il y a une tonalité en fait, il y a une culture on va dire du texte, c'est une culture de l'expression poétique qui n'est pas du tout la même entre Paris et la Guadeloupe, quoi. Et donc du coup, depuis mon retour, j'ai pas vraiment essayé de rentrer en contact avec la scène slam. Même si c'est un genre ou une forme qui me plaît beaucoup, c'est pas ce qui est d'abord important pour moi, c'est le créole en fait et pas le slam. Et demain, s'il faut faire du théâtre ou autre chose, je préfère faire du théâtre ou du cinéma ou voilà. D'accord, donc tu parles effectivement du théâtre. Moi, je me souviens de ce premier du Team Allo Show. Effectivement, l'étiquette slam était là pour les circonstances, mais ça aurait très bien pu être un one man show, soit d'un comédien, soit d'un humoriste, parce que je me souviens que les gens rigolaient beaucoup. Et de mon expérience du slam en France, souvent cette dimension interprétation manque, c'est-à-dire que c'est pour beaucoup ça reste de la récitation avec un flow assez répétitif. Toi, est-ce que dès le début tu as ressenti ce besoin d'interprétation, parce que c'est toujours très, très vivant, ta façon d'interpréter tes textes. Ouais. Et quel rapport tu ferais avec le conte traditionnel aux Antilles? Alors, moi, le premier texte que j'ai fait, c'est le texte qui est d'ailleurs au début du Timalo Show, qui s'appelle « Temps », qui fait « Temps, panitoff, moi, vite, vite, vite, vite, vite, vite ». Et c'est un texte que j'ai fait en mouvement, quoi. La façon dont je l'ai fait dans le show, comme tu l'as vu dans le show, en mouvement, en simulant cette course comme effrénée contre le temps. C'est comme ça que je l'ai fait en slam session et c'est ça qui m'a valu d'être reconnu d'emblée comme un slammer alors que moi-même j'ignorais que j'étais slammer. Et c'est après que j'ai vu des films comme Slam avec Saul Williams où j'ai vu que l'expression, la performance en fait est un élément important du slam, en tout cas aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France c'est un élément qui est moins important. Alors il faut dire aussi que comme les médias ont beaucoup poussé qu'Encore Malade, parce qu'il est malade, il faut le dire, il ne peut pas bouger autant qu'il pourrait, en tout cas, je pense que ça a beaucoup influencé le slam en France. Donc, après, il y a certainement des gens, en scène slam, il y a quand même pas mal d'expressions différentes, il y a des gens qui font du toast et des trucs comme ça, donc, qui sont quand même déjà plus dans le mouvement en, fait, en soi. Mais bon, c'est vrai que ça a donné une tonalité au slam en France, quoi. Et pour ce qui est du conte, le compte a quand même... c'est pas... à la différence du slam, qui est une scène libre, le compte a quand même des codes, il y a quand même une tradition. Et moi, je suis très respectueux de la tradition. C'est-à-dire que si je dois changer quelque chose dans un truc traditionnel, il me faut impérativement savoir pourquoi et j'arrive, je déborde pas comme ça dans des trucs, tu vois. Donc, en fait, c'est clair que cette inspiration-là, on va dire, cette racine-là, elle fait partie de moi. Mais je fais une distinction claire pour moi entre le compte et ce que je fais, moi. D'accord. Donc, comme tu as dit, ce premier album est sorti au moment des mouvements sociaux en Guadeloupe. Juste avant, ouais. Je me souviens d'une phrase qui m'avait interpellé sur l'album qui était « On t'est bien aimé, mais ça peut qu'est jamais arrivé. Passe Guadeloupéen, puis s'y met à être français. Ouais. » Donc, je voulais savoir déjà, comment tu traduirais cette phrase? Est-ce que tu la traduirais littéralement pour l'expliquer à des non-créolophones? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, cette phrase-là arrive en conclusion d'un texte où j'évoque des tas de choses que j'aurais aimé voir, comme qu'on fasse plus la place à France Fanon chez nous, par exemple. Comme le fait qu'on se rappelle que Delgrès, il est né à Saint-Pierre, il vient de Martinique et c'est un des personnages les plus importants dans notre histoire, dans l'histoire des Guadeloupéens et peut-être au-delà de l'humanité. J'évoquais aussi le fait que j'en ai assez ma claque d'entendre Fruit de la Passion, tu vois, je préfère Maracuja, parce que tu vois, ce genre de choses. Et pour moi, pour faire ça, il faut qu'on se décide, nous, à faire les choses comme on a envie qu'elles soient faites, quoi. Et pas simplement à critiquer le fait qu'elles soient pas faites comme on voudrait. Il faut à un moment donné qu'on se dise, bon, ben voilà comment on voudrait que ça se fasse et on les fasse comme on veut, quoi. Et c'était un peu une provocation de dire que quelque part, pardon, que quelque part, parce que les Guadeloupéens en ont vraiment envie, quoi. Et donc voilà, c'était le sens de cette phrase que j'aurais bien aimé, mais ça n'arrivera sans doute jamais, parce que les Guadeloupéens préfèrent être français. Ce qui nous amène directement au deuxième album, donc Demoon, ce deuxième projet. Qui est donc cette fois entièrement consacré à la grève de 2009. Donc on a dit que le premier était sorti au moment de cette grève. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire maintenant un album entièrement consacré? Parce qu'on peut quand même dire que beaucoup de thèmes étaient déjà présents sur l'album Powell Fonke. Mais là, voilà, faire un album totalement consacré à ce sujet, pourquoi? Alors, il me semblait que déjà c'est un truc important. Je ne voulais pas juste faire un texte. C'est un moment important. C'est 44 jours quand même. C'est 65 000 personnes dans la rue. C'est 49 organisations. C'est 165 articles de l'accord. Donc, c'est quand même énorme, quoi. Et donc, pour moi, pour raconter ça, il fallait de la place. Ensuite, il y avait des gens qui étaient pour et il y avait des gens qui étaient contre. Et c'était difficile, en fait, quand on était d'un côté ou de l'autre, c'était difficile de se parler. Et beaucoup de gens, en particulier après m'avoir entendu le 4 mars, puisque j'étais invité d'une émission ce soir-là, où j'ai écrit un des textes qu'il y a sur le projet, beaucoup de gens m'ont dit mais il y a aussi ça qui est de la profitation et on n'en parle pas. Il y a aussi tel aspect, et puis en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on fait après, voilà. Est-ce que c'est la révolution? Est-ce que ça n'en est pas une? Et je me dis, mais quelque part, si on n'arrive pas à provoquer ce dialogue, en fait, entre ces Guadeloupéens qui sont pour, qui sont contre, en se disant, d'accord, il est contre, mais il est quand même un Guadeloupéen, je vis quand même avec lui sur le même territoire, et j'ai quand même avec lui à construire quelque chose, quoi. Donc si on fait pas ce dialogue-là, ben on s'en sortira pas, quoi, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble sur le même territoire. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, et ça m'intéressait de confronter ces deux points de vue et aussi de dire que celui qui est contre le mouvement, c'est pas forcément qu'il est contre la Guadeloupe. Peut-être que justement parce qu'il aime la Guadeloupe et qu'il voit le pays de façon différente, ben il y voit d'autres choses, il voit des choses qui sont contradictoires avec ce que moi je peux voir. Et c'est vraiment ça l'idée de l'album, c'est deux personnes qui s'aiment et deux personnes qui aiment la Guadeloupe mais qui la voient de façon différente et qui se retrouvent à cause de ces événements-là à confronter leur point de vue et à mettre leur amour à l'épreuve. Leur amour pour eux-mêmes, leur amour pour l'autre et leur amour pour le pays. Donc on a dit que c'était Demoon, donc deux personnes. Il s'agit en fait d'une histoire d'amour. Donc c'est l'originalité de ce projet. Un fond de grève avec des fortes tensions sociales, donc, comme tu viens d'expliquer. Mais alors pourquoi avoir choisi ce couple parler d'une histoire d'amour. Ah, alors pourquoi j'ai choisi ? Alors, pour préciser déjà, il s'agit d'une femme qui vit en France et qui rentre au pays pour vivre son histoire d'amour avec son gars qui est en Guadeloupe. Cette dimension du retour au pays, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, parce que je trouve que quand on est en Guadeloupe, on a tendance à oublier les gens qui sont en diaspora, en fait. Et que c'est un atout pour le pays. Ce sont des Guadeloupéens ou des Martiniquais, ça vaut pour les deux îles, en tout cas, enfin, de mon point de vue. On a tendance à les oublier, pardon, alors qu'ils représentent un gisement d'énergie, d'observation pour le pays d'origine, quoi. Donc il y a toujours cette dimension du retour un peu qui touche un peu tout le monde. C'était déjà le cas dans le Timalo Show. Ensuite, l'histoire d'amour, comme je disais, c'était aussi partir du postulat que ces deux personnes-là s'aiment au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même, une envie de résoudre le truc, quoi, de trouver une solution ensemble. Il y a quand même ça au départ. Et que la tension va être forte et forcément les obliger à se poser des questions qui ne s'étaient pas posées avant. Et pour que cette idée d'amour entre deux personnes que chacun a certainement vécu dans sa vie, pour comprendre comment on peut être attaché à son pays au travers de l'amour qui s'exprime entre deux personnes, quoi. On va écouter tout de suite un extrait avant de poursuivre encore sur l'album Demon de Timalo. Un extrait, ce sera Destin en nous. Konambi. Parce que nous pas songer, sans nous-mêmes j'accouler. Yo mène moi dans situation, nous ne peut pas accepter. Dis-moi qu'à ça que changer, toujours les mêmes qui sacrifier. Sauce la sachet, et tout le monde passe à manger, non. Fais pas rester sans faire rien, en pas qu'à faire rien qui pour moi. Si ou pas comprendre, je dis ça fait comprendre des mains. On s'habite, on fait sa terre. Soleil là, qu'a levé les mains. Et destin à moi-même. On s'habite, on fait sa terre. Soleil là, qu'a levé les mains. Et destin à moi-même. On pas qu'être pour qu'une vie ici. Si c'est si doux, on a les petits. Je dis la ni assez. Ça doit être fini. Oh, à pas qu'on ça, ça qui est rangé. On les faut nous, ça discuter. Soudé à l'entour, on tape. Mes têtes collées. La Guadeloupe, c'est pays en nous. Faut pas y fou corps en mais en nous. Mettre nous debout, derrière parole en nous. La Guadeloupe c'est en moi aussi, même si on pas toujours ici. Ça en cadre devant moi, pas qu'à faire moi plaisir. On s'habite un, nous paissons un. Soleil là, qu'a levé les mains, et destin là, on met moi. On s'habite, nous paissons un. Soleil là, qu'a levé les mains. Et destin à moi-même. Est-ce où qu'a voué l'espoir dans tout ça? Ça en qu'a quoi, ça peut paraître comme ça. Est-ce nous peut laisser Guadeloupe en main à ces moules là? Ça te guépi mauvais, si yo pâte là. On s'habite un. Restez en nous, extrait de l'album The Moon de Timalo. Mais par contre, on n'a pas entendu Timalo chanter sur ce morceau, donc si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'était les voix de Mimi Nelzi et Maxence Dehé. C'est ça, ouais. Donc en fait, tu es presque chef d'orchestre sur cet album. Pourquoi cette approche ? Parce qu'il chante mieux que moi. C'est aussi simple que ça. Et donc voilà. Et donc à un moment donné, il fallait quand même incarner ces personnages et leur donner une voix. Donc c'est tout au long de l'album, ce sont des instruments en fait qui interprètent les intentions. Donc le violon de Julie Aristide et le saxophone de Jérôme Kafafa. Mais sur certains morceaux, dont Destin en nous, je voulais vraiment leur donner une voix et moi je ne sais pas chanter. Alors voilà. Alors, Maxence Dehé. Je me souviens d'avoir vu le spectacle des Moon. Le concert, c'était au Baiser Salé. Ouais. Je ne sais plus, il y a un an ou deux. Ouais, c'était ça, ouais, c'était il y a 2 ans maintenant. Comment ça se passe quand tu proposes un projet, parce que c'est un projet live avec tous les musiciens qu'on peut entendre, tous les instruments qu'on peut entendre sur l'album. Est-ce que c'est facile à programmer, à présenter ce spectacle-là ? Alors, j'avais la chance, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi de le faire comme ça. J'avais la chance d'avoir Stéphane Castry comme directeur musical qui s'est occupé de quasiment tout. Donc, j'avoue que c'était beaucoup plus simple, quoi. Et là, pour le remonter, parce que donc là, c'était une petite scène, on avait décidé de le faire avec une équipe réduite. Et pour le monter, pour monter un spectacle comme ça, avec vraiment tout le monde, donc violon, saxophone, deux chanteurs, tout ça, c'est un peu plus compliqué, ouais. Mais bon, on va essayer de le faire, et on va essayer de faire ça bien, quoi. Album Des Moon de Timalo, on va revenir un peu sur la dimension sociale donc de ce projet, donc déjà centré sur les événements, la grève de 2009. Toi, comment tu as vécu cette grève ? Tu étais donc sur place, ouais. Tu étais dans quel camp ? Aha. Moi, j'étais dans le camp de ceux qui pensaient que de toute façon, tu ne pouvais pas ne pas marcher. Parce qu'en fait, moi, j'avais rien de mieux à proposer, en fait. Donc, il y avait une situation tellement grave. Quand tu entends une femme qui t'explique qu'elle n'a pas assez de sous pour acheter une brique de lait à son gosse, quoi, tu te dis, mais c'est trop grave, quoi. Il faut montrer que ça ne va pas. Et moi, je n'avais pas de solution, mais il fallait à un moment dire, ça ne va pas. Et moi, j'ai marché pour cette raison-là, pour pouvoir dire, mais à un moment donné... Il faut le dire, parce que au moins pour que les gens se penchent sur le problème et puis trouvent des solutions. Moi, j'avais pas de solution. C'est clair, j'avais pas de solution. Donc, je pouvais pas dire, ah oui, j'ai eu quelque chose de mieux à proposer que la marche. Et puis, honnêtement, j'ai jamais pensé que ça allait durer 44 jours. Je me suis dit, on va marcher une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, ils ont commencé à faire les débats. Je me suis dit, bon, c'est bon, je rentre chez moi. Et je suis rentré chez moi. Hein. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Il y a des gens qui sont restés devant le WTC. Moi, je suis pas resté. Je suis rentré chez moi. Je me suis dit, c'est bon, ça y est. Les politiciens, ils ont compris. Ça, ça, ils réfléchissent. Et ben non, ça a capoté. On est reparti pour une semaine. Et puis, Jégo est arrivé. Je me suis dit, bon, ben ça y est. Ça va être réglé. Et puis, il est reparti. Et c'est comme ça. Hein. Sans quoi, si on m'avait dit, ouais, viens, on va faire 44 jours de grève. On t'a dit, mais non, bougain, moi, j'étais parti pour 2 jours. 2 jours. Jégo, donc, était le représentant de l'État pour la négociation. On a démarré cette interview avec un extrait de l'album qui lui est entièrement consacré. On va dire une petite touche humoristique. Je sais que Jégo, alors via Twitter, je ne sais pas, a entendu ce morceau, cet hommage. Quelle a été sa réaction ? Ben, Jégo a dit qu'il a trouvé ça très très drôle. Et ensuite, il y a un journaliste qui l'a interviewé. Et il a dit oui, ben voilà, il faut avoir le sens de l'humour, qu'il faut être capable de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ce qui nous fait au moins un point commun. Donc voilà quoi, tout est bien. Et j'ai aussi vu, donc, tu as présenté ce projet en Guadeloupe. J'ai cru voir en passer sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne rate rien. Une photo avec Elie Domota, donc le chef de file du LKP. De Jégo à Domota, tu évalues ses réactions, quelle a été la réponse en face? Je crois que Domota, en tout cas, il m'a donné le sentiment que Jégo avait compris. Il m'a confirmé dans cette idée, en fait, que Jégo avait compris ce qui se passait en Guadeloupe à ce moment-là. Et que les gouvernements, enfin, en tout cas, le chef du gouvernement est peut-être... D'autres puissances occultes ont voulu que Jégo s'en aille, ce qui fait qu'il n'est pas resté. Et je pense que Domota partage ce point de vue également. D'accord, mais donc... J'ai aussi fait une photo avec Willy Angel hein, aussi. Hein. Ah. Ah ouais, donc, fait une photo avec tout le monde, moi. Moi, c'est les Guadeloupéens qui m'importent. Hein. C'est pas justement pro ou anti-LKP. C'est vraiment comment on construit le pays, quoi. Justement, je pense que c'est un des intérêts de cet album, puisque on peut pas dire qu'il n'est pas engagé. Pour l'autant, il n'est pas didactique. Enfin, tu n'es pas là non plus pour venir donner des leçons, puisqu'on entend. En fait, on entend les différents points de vue donc à travers ces deux personnes. Est-ce que ta voix, ton avis, ce que toi tu penses, ça passe forcément par une partie de ces deux voix ou pas du tout? Tu t'es mis en retrait? Il y a il y a un peu de moi dans chacun des personnages, forcément. Mais je crois qu'on entend particulièrement ma voix sur des textes comme Tout Tempo Moi, par exemple, ou sur la conclusion de l'album que je laisse découvrir aux auditeurs. Où je crois que l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que il faut qu'on arrive à accepter qu'on peut être un Guadeloupéen et en avoir en face un Guadeloupéen, mais qui est différent, qui n'a pas le même point de vue, pas le même vécu. C'était donc en 2009. On est maintenant en 2013, 4 ans après. Donc, tout a changé, tout s'est amélioré. Je parle d'une part entre la réalité sur place, mais aussi le rapport entre l'État, la République et ce qu'on appelle les Outre-mer, mais on va dire en particulier la Guadeloupe. Quel bilan après coup, parce que là on est plus, on est moins à chaud. Quel bilan de ces événements? Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai un article que j'ai publié sur mon site internet timalo.com qui s'appelle 4 ans après, 4 raisons de reparler du LKP. La première, c'est que les prix sont toujours 43% plus chers en Guadeloupe qu'en France. Que Jacques Binot est mort et aujourd'hui, Woody Alex y a quitté. On ne sait pas qui a tué Jacques Binot. Excusez-moi. Troisième, les Guadeloupéens ont clairement dit qu'ils veulent un nouveau projet de société. Ils ont été consultés pendant près d'un an et demi. Et parmi les conclusions, ils ont demandé une plus grande place au créole, plus de place pour la grosse transformation. Des revendications qui sont clairement celles qui étaient de l'LKP et au-delà des indépendantistes depuis 30 ou 40 ans. Et enfin, c'est un mouvement quand même dont les chiffres, les nombres sont vraiment impressionnants, quoi. 65 000 personnes dans la rue, 49 organisations, 135 articles dans les revendications, 165 articles dans les résolutions. Donc tout ça, pour moi, ce sont des raisons de parler du mouvement. Et puis ben, voilà, c'est un secrétaire d'État à l'Outre-mer qui n'est plus là, premier secrétaire d'État de l'Outre-mer originaire de Guadeloupe, Marie-Louis Panchard, un président de région élu le premier président de région en France à être réélu dès le premier tour, qui devient ensuite ministre de l'Outre-mer. Enfin voilà, c'est ne serait-ce que ça, c'est une raison pour en parler à ses enfants et ses petits-enfants. Donc comme on a dit, tout n'a pas forcément changé, on va dire au niveau de la revendication de base qui était la baisse des prix. Le coût de la vie, on peut dire que ça n'a pas changé, donc ça a généré nombre de frustrations. Pour autant, est-ce que, j'imagine que oui, puisque, au vu de ce que tu viens de dire, 2009, dans l'histoire de la Guadeloupe, est-ce que c'est un tournant? Pour moi, c'est un tournant. J'ai pris conscience que si on ne fait pas un travail de fond, si tu ne fais pas un travail de fond, tu peux faire autant de 2009 que tu veux, le gouvernement fait ce qu'il veut. Ça, j'ai compris ça. Et j'ai compris que si tu n'as pas le peuple avec toi, tu ne peux rien faire. Et pour avoir le peuple avec toi, il faut expliquer, réexpliquer, jusqu'à ce que tu trouves la bonne méthode ou que tu comprennes que tu te trompes ou que tu persuades les gens. C'est un des trois. Hein. Parce que essayer de dire, bon, ben, tu vas débarquer, tu vas faire... Enfin, voilà, quoi. On le voit encore avec l'épandage. Nos députés sont contre. La majorité de nos députés sont contre l'épandage aérien, quel que soit le produit. Quand même, on aura de l'épandage. Hein. C'est incroyable, mais c'est comme ça. L'album Demoon de Timalo. On dit l'album, mais il y a également un livre, livre Demoon. Est-ce que tu peux dire rapidement comment le public peut se procurer ces produits? Alors, toutes les créations de Timalo sont disponibles sur timalo.com. Le bouquin est aussi en vente à la librairie Jazor, si jamais vous avez l'occasion d'aller en Guadeloupe. Et puis, il sera aussi au Salon du Livre de Paris, où je serai en dédicace donc le samedi et le dimanche, c'est les week-ends, c'est le 22-23 mars, ou 23-24 en tout cas, voilà, ce week-end-là, je serai en signature, donc ce sera l'occasion de se rencontrer et d'acheter le bouquin ou l'autre, hein, Parole à l'homme volume, ainsi que l'album. Pour conclure cette émission consacrée à Timalo, on va parler un peu de son actualité. Donc, je crois que tu as un événement le 16 mars. C'est ça. Hein. Donc, avec Gerti Dambury, on fait la quatrième édition d'une manifestation qui s'appelle La Guadeloupe sans poème, où on partage avec le public des textes. Donc, on a fait la première édition autour du théâtre, la seconde autour de la poésie, la troisième autour du conte. Et là, ça sera le 16 mars, donc dans Paris cette fois-ci, au cinéma La Clé, le métro Sancier de Banton. Et on va parler des utopies et comment les auteurs caribéens ont évoqué ont abordé la chose, quoi. Donc certainement qu'on fera allusion à Marcus Garvey, certainement qu'on parlera du mouvement Rastafari, certainement qu'on parlera de toutes ces choses-là. On est encore en train de travailler pour faire en sorte que ce soit une belle soirée. Et donc c'est le 16 et a priori c'est l'entrée libre. Donc voilà, suivez timalo.com ou Timalo sur Facebook et puis vous en saurez plus. Merci beaucoup Timalo. Album Demoon, c'était notre invité aujourd'hui dans Konanambi, Musique Jeudi. On va se quitter avec un dernier extrait. Mon ami.